franceinter.fr. Bonsoir. Comment ont-ils pu tenir ? C'est la question que depuis 100 ans, on ne cesse de se poser en pensant aux poilus de Verdun. Cette bataille, dont la violence totalement inédite et l'absurdité aussi, en ont fait à elle seule le symbole de la Première Guerre mondiale, pour ne pas dire de la guerre pour tous ceux qui crieront « plus jamais ça ». À l'occasion de la commémoration aujourd'hui de la bataille de Verdun, c'est l'histoire d'un homme méconnu que je vais vous raconter ce soir. Le lieutenant-colonel Émile Drian, engagé en première ligne avec ses hommes au Bois des Corps devant Verdun. Le 21 février 1916, l'armée allemande lançait une offensive surprise sur cette partie du front. C'était le début de la bataille de Verdun qui allait durer 300 jours et 300 nuits. Un déluge de feu et d'acier. De cette fameuse bataille, Drian ne vit pourtant pas grand-chose puisqu'il mourut le deuxième jour. Mais si le gouvernement et le haut commandement français avaient davantage prêté attention aux appels de l'officier Drian, l'issue de la bataille aurait peut-être été tout autre. 700 000 victimes, morts, blessés et disparus, français et allemands confondus. Autant en emporte l'histoire avec Stéphanie Duncan. Jean-Yves Le Naour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de la Première Guerre mondiale. C'est vous aussi qui avez écrit donc la fiction que nous allons écouter dans quelques minutes, une histoire particulièrement poignante. Comment avez-vous découvert pour la première fois le personnage du lieutenant-colonel Drian et pourquoi y êtes-vous particulièrement attaché ? Alors, quand j'ai découvert cette histoire, je ne sais plus trop, parce que c'est quand même un des héros de 14-18 qu'on mettait en avant à l'époque. On vous en a parlé dans votre famille peut-être, ou quand vous étiez enfant? Non, je ne pense pas, mais c'est dans mes lectures sur 14-18 et dans la presse, c'est quelqu'un qui revient. Et puis surtout aussi dans l'avant-guerre, puisque ce personnage, il est quand même assez atypique, c'est un officier, mais il est tour à tour et en même temps écrivain et homme politique. Et donc, il est déjà célèbre en 1916. Et donc, à sa mort, dans la presse, on en parle beaucoup comme d'un héros. Mais chaque époque a ses héros, puisque là, il s'agit d'un héros nationaliste. Et s'il est un petit peu tombé dans l'oubli, c'est parce qu'aujourd'hui, évidemment, ce qu'on célèbre, c'est la paix. Et Drian, ce qu'il faisait dans ses écrits, c'est qu'il appelait les jeunes à la guerre et à préparer la guerre. Alors l'histoire que nous allons raconter donc ce soir débute en décembre 1915. La fameuse bataille de Verdun sera déclenchée par les Allemands le 21 février 1916. 10 mois d'enfer pour les soldats français et allemands. Mais pour bien comprendre et apprécier aussi l'enjeu de cette histoire, pouvez-vous, Jean-Yves Le Naour, nous rappeler où en est la guerre à ce moment-là ? La Première Guerre mondiale a débuté le 1er août 1914, mais elle a déjà fait beaucoup de victimes bien avant Verdun. Oui, en effet, rien que du côté français, il y a déjà 700 000 victimes. Donc oui, les Allemands ont d'abord attaqué la France en premier lieu en août 1914 parce que la Russie, c'est grand, le temps que la Russie mobilise, etc. Il faut d'abord vaincre la France et ensuite on se retournera vers la Russie. C'est le plan Schlieffen. Et puis ce plan Schlieffen a échoué avec la bataille de la Marne. Les Français ont tenu et ont repoussé les Allemands à une cinquantaine de kilomètres de Paris. Et le front s'est retrouvé bloqué en octobre-novembre 1914 à l'ouest. Alors les Allemands, en 1915, ont retourné le plan Schlieffen. Ils ont voulu éliminer la Russie de la carte de la guerre. Était donc l'allié de la France et de la Grande-Bretagne. Effectivement. Et de mai à septembre 1915, véritablement, ça a été une catastrophe pour la Russie, qui a perdu entre 200 400 kilomètres de terrain. Et puis à la fin de l'année 1915, les Allemands se sont dit, bon, la Russie, on l'a pas vaincue, mais elle est tellement assommée qu'on est tranquille sur ce front pendant 6 mois, 1 an. Et on peut se reporter sur le front ouest, et en particulier sur un des points symboliques du front occidental, et on peut enfoncer les Français, ou en tout cas leur faire assez de mal pour les amener à peut-être à réclamer la paix. Reprendre l'initiative sur le front occidental, c'est l'idée du général Falkenhayn qui commande l'armée allemande. Et donc, oui, il fait un choix, il va attaquer. Alors, il hésite entre Belfort et Verdun, et puis finalement, il choisit d'attaquer à Verdun. Mais évidemment, les alliés n'en savent rien. On n'en sait absolument rien, mais il y a quand même des indices à partir de janvier 1916. Et qui dirige à ce moment-là la France, le gouvernement et le haut commandement français? Alors, de l'armée. À la tête de l'armée française, c'est le général Joffre, hein, depuis 1914, depuis le début de la guerre. Et puis, à la tête du gouvernement, c'est Aristide Briand, le président du Conseil, l'équivalent de Premier ministre aujourd'hui, mais avec des vrais pouvoirs de chef de gouvernement. Et puis, le président de la République, Raymond Poincaré, mais qui n'a pas les pouvoirs de l'actuel président de la République. Mais dans une démocratie, on sait que le pouvoir politique contrôle le pouvoir militaire, mais en fait, depuis 1914, on a lâché complètement la bride sur le cou aux militaires, et Joffre forme un gouvernement bis, en quelque sorte. Mais au début 1916, ce n'est plus tout à fait le cas. C'était le cas en 1914, c'est le cas encore au début de l'année 1915. Mais au début de l'année 1916, Joffre est très critiqué. Les politiques, les parlementaires surtout, les députés, les sénateurs, sont remontés contre lui et commencent à se dire s'il ne faudrait pas le remplacer. Merci Jean-Yves Le Naour. Je vous propose de nous retrouver dans une trentaine de minutes pour poursuivre cette discussion sur le lieutenant-colonel Driant et sur la bataille de Verdun. Le temps d'écouter Driant, le sacrifié de Verdun, de Jean-Yves Le Naour, réalisation Baptiste Guiton. C'est un petit monument, en plein milieu des bois. Ce n'est pas vraiment une tombe. Les promeneurs doivent être surpris quand ils la découvrent par hasard. Un simple bloc, une stèle, avec à son sommet comme un mur inachevé. Et c'est cela ma vie. Elle a été bien remplie, et je crois même pouvoir dire que j'en ai eu plusieurs. Mais tout de même, elle a ce goût d'inachevé. Quand je me suis engagé, en août 1914, le ministre de la guerre m'a dit: mais enfin, vous n'y pensez pas, vous êtes député, et puis vous avez 59 ans. Moi, je lui ai répondu: et alors? Des dizaines de milliers de petits gars de 20 ans vont bien mourir. Alors à 59 ans, pourquoi pas moi? Alors, je suis mort. Ce qui me dérange, ce n'est pas d'être mort, mais de ne pas avoir su si la France allait vaincre. Ce qui me dérange, c'est d'avoir succombé la peur de la défaite au ventre. Ah, Dieu sait si je l'ai voulu, cette guerre. Dieu sait si je l'ai voulu, cette revanche. Mais tomber ici, sous la mitraille, sacrifié inutilement par des imbéciles, bon sang. Est-ce que l'on se souviendra un jour de moi? Est-ce que l'on se souviendra un jour de ce désastre que l'on aurait pu éviter? Est-ce qu'un jour on se souviendra du nom de Verdun? Drôle de bonhomme que ce lieutenant-colonel Driant. Nationaliste convaincu, gendre du général Boulanger, le fameux général Revanche, Émile Driant a d'abord choisi la carrière des armes, les yeux fixés sur la ligne bleue des Vosges. Anti-Dreyfusard, détestant les radicaux et vomissant les socialistes, abhorrant le régime parlementaire, ce catholique intransigeant n'a jamais digéré non plus la laïcité. Attiré par la politique, Driant finit par quitter l'armée et par se faire élire député de Nancy en 1910. Il vient à peine de se faire réélire en 1914 quand la guerre survient. 213 députés, tous ceux qui ont moins de 47 ans, sont aussitôt mobilisés. Driant a passé l'âge et pourtant il s'engage, reprend du service comme officier de réserve. Alors que le général Joffre, le bedonnant généralissime des armées françaises, multiplie les offensives en Champagne et en Artois, durant toute l'année 1915, Verdun semble oublié de la carte de la guerre. En poste au Bois des Corps, les positions avancées de la région fortifiée de Verdun, le lieutenant-colonel s'inquiète pourtant. Le 1er décembre 1915, il quitte ses tranchées pour se rendre à Paris, à la Chambre des députés. Ah, lieutenant-colonel Driant, chers collègues, quelle surprise! Vous avez donc quitté le front pour nous rendre une petite visite. Quel bon vent vous amène? Je crains fort que cela ne soit un vent mauvais, monsieur le président de la commission de l'armée. Que voulez-vous dire ? Il se trouve que l'organisation défensive de nos lignes est défectueuse, tout particulièrement entre Lunéville et Nancy. Quant à Verdun, les premières lignes sont correctes, mais les secondes à peine esquissées, et les troisièmes n'existent pas. Nous manquons de barbelés, nous manquons de canons, et surtout nous manquons d'hommes pour creuser les positions et les défendre. Et pourquoi venez-vous nous trouver ? Ne devriez-vous pas vous adresser au général commandant la région fortifiée dont vous dépendez ? Le général Frédéric R. partage ma façon de voir. Le problème, c'est qu'il n'a pas de moyens, pas d'hommes, ni de matériel. Et Joffre, qu'en pense-t-il ? Jusqu'à présent, le général en chef n'a jamais répondu à nos demandes. Vous seul pouvez m'aider à lui forcer la main. Je vois. Je vois aussi que le Parlement a son utilité, finalement. Ne me torturez pas. Oui, je pensais hier que le Parlement ne devrait pas siéger en temps de guerre. Mais c'était hier. Aujourd'hui, je comprends qu'il ne faut pas laisser l'état-major sans contrôle. Il y a eu trop d'erreurs, trop de boucheries, trop de morts. C'est entendu. Nous allons avertir le président du Conseil et le ministre de la Guerre. Ils se chargeront de pousser Joffre à réagir. Joseph Joffre. S'il est un général qui a de l'estomac, c'est bien celui-là. Même au temps de la retraite d'août 1914, il ne saute jamais un repas, engloutit une bouteille de vin midi et soir, fait la sieste et se couche comme les poules. Cet excellent généralissime du temps de paix se révèle dépassé par la guerre des tranchées. Depuis la fin de l'année 1914, sa seule stratégie est celle du grignotage. Attaquer l'ennemi partout afin de l'user, de l'user et de l'user sans cesse. À ce régime, c'est l'armée française qui s'use à grande vitesse. 320 000 morts pour la seule année 1915. Jaloux de son autorité, en butte aux critiques des politiques qui le soutiennent, faute d'avoir le courage de le remplacer, il est tout particulièrement en conflit avec le ministre de la guerre, le général Gallieni, qui lui dispute le titre de vainqueur de la Marne. Pour l'année 1916, Joffre mijote un grand coup, une formidable opération franco-britannique sur la Somme qui bousculera définitivement l'ennemi. Pour ce faire, il accumule les canons et les unités et tout à sa préparation ne veut pas être distrait par un autre champ de bataille. Mon général, le gouvernement m'a chargé de remettre cette lettre à votre intention. Qu'est-ce qu'ils me veulent encore, ces politiques de malheur ? Ils ne peuvent pas nous laisser faire la guerre en paix. Et voyons voir. De différentes sources parviennent des comptes rendus sur l'organisation du front et signalant en certains points des défectuosités dans les mises en état de défense. Ben voyons. En particulier, et notamment dans la région de la Meurthe, de Toul et de Verdun, le réseau des tranchées ne serait pas complété comme il l'est sur la majeure partie du front. Oh, quel culot! Je vous serais reconnaissant de pouvoir donner l'assurance que blablabla... Mais pour qui se prend-il, ce Gallieni ? Ce n'est pas parce qu'il est général et ministre de la guerre qu'il va m'impressionner. C'est moi le général en chef. C'est moi qui suis responsable de l'armée et du front. Alors qu'il se taise. Ah, je suis un prévoyant. Et prenez un crayon et notez ma réponse. Monsieur le ministre... J'estime que rien ne justifie les craintes que vous exprimez. Elles sont infondées et reposent sur des comptes rendus biaisés qui vous sont faits en dehors de la voie hiérarchique et que vous ne devriez pas accepter. Il ne me convient pas de me défendre contre des imputations dont j'ignore la source. J'ai besoin de la confiance entière du gouvernement. S'il me l'accorde, il ne peut ni encourager... ni tolérer des pratiques qui diminuent l'autorité morale indispensable à l'exercice de mon commandement, et faute de laquelle je ne pourrais continuer à en assumer la responsabilité. Alors, général, vous ne pouvez pas écrire ça. Et pourquoi, je vous prie ? Mais c'est une menace de démission. Vous placez le gouvernement dos au mur, vous le provoquez. Oui, c'est ce qu'il faut faire avec les politiques. Si vous commencez à négocier avec eux, vous êtes foutus. Il faut leur faire sentir qui est le chef. Mais s'ils décident de vous prendre au mot ? Ce sont des lâches, je vous dis. Je les mettrai tous au pas. Et puis, je sais trop bien d'où viennent ces critiques. Ce sont toujours ces députés aux armées, un pied dans la tranchée, un autre dans l'aquarium du Palais Bourbon. Ils obéissent et désobéissent à la fois. Ils sont soldats et font de la politique en même temps. Convoquez-moi cet écrivaillon de Drian. Je sais que c'est lui le coquin qui me poignarde dans le dos. Je m'en vais lui laver la tête. Écrivaillon. À côté de sa carrière militaire, puis d'homme politique, le lieutenant-colonel Drian s'est aussi essayé au roman. Avec un certain succès, il s'est fait un nom, ou plutôt un pseudonyme. Sous la signature du capitaine d'Henri, il a écrit quantité de romans d'anticipation, dédiés à la jeunesse, appliquant aux récits de guerre les méthodes de Jules Verne. Il imagine ainsi la guerre de demain, l'invasion de l'Europe par les Asiatiques, la guerre en ballon, car il n'a pas vu venir l'avion. Il décrit la guerre franco-britannique quand les deux empires coloniaux sont en rivalité à Fashoda. Mais son thème de prédilection est tout de même la guerre franco-allemande que la France remportera à coup sûr, à condition de ne pas être trahie par la CGT ou le Parti socialiste. Dans son dernier roman, paru en 1913, c'est un instituteur laïque qui trahit les soldats français. En 1915, son livre est réédité, mais le traître n'est plus instituteur. Union sacrée oblige. Lieutenant-colonel, c'est un plaisir de recevoir un homme de votre qualité dans mon modeste bureau. Je suis d'ailleurs persuadé que l'armée ne sait pas employer à bon escient un officier de votre talent. Je serais tout à fait disposé à vous affecter un service plus digne de votre valeur. On recherche justement du personnel au bureau de la censure. Vous êtes fort aimable, mon général, mais le commandement de mon bataillon de chasseurs suffit à mon bonheur. Eh bien, je sois clair. Si vous souhaitez demeurer sur le front, alors il vous faudra apprendre la discipline. Vous n'avez pas à mettre en cause le général en chef ni à adresser des requêtes en dehors de la voie hiérarchique. Est-ce clair ? Mon général, je voulais attirer votre attention sur les défenses du camp retranché de Verdun. Il est visible que... Suffit ! Verdun est le dernier endroit que les Allemands se préparent à attaquer. Et ce n'est pas vous, le petit lieutenant-colonel, qui allez me dire ce que je dois penser. Vous m'entendez ? Oui, mon général. Quittez l'armée, allez à l'académie ou au diable, je m'en contrefiche. Mais si vous restez, j'exige votre obéissance, sinon votre loyauté. Et maintenant, foutez-moi le camp. Quelques jours seulement après cette scène, à la Noël 1915, le général Falkenhayn, commandant suprême des forces allemandes, se présente devant l'empereur Guillaume II à Berlin. Il lui soumet le projet d'attaquer puissamment le front occidental en un point précis. L'idée est d'expérimenter un nouveau genre de tactique. Rassembler un millier de canons, écraser les lignes ennemies sous un déluge de fer et d'acier et s'en emparer à coup sûr en marchant sur les cadavres des défenseurs. Pour assommer le moral de son adversaire, Falkenhayn prévoit d'attaquer et de prendre une position forte des Français, Belfort ou Verdun. Dans les premiers jours du mois de janvier 1916, son choix se fixe, ce sera Verdun. Les préparatifs allemands sont très vite perçus par le lieutenant-colonel Drian, comme par son supérieur, le général Frédéric Herr. Mais ils sont bien seuls. Au grand quartier général de Chantilly, Joffre continue de faire la sourde oreille. Je regarde mes braves petits chasseurs à pied. Ce sont de bons petits gars, mais ils n'ont plus les chines très souples. Ils ont entre 30 et 45 ans. Ce sont des pépères, comme on dit, les classes les plus âgées. Oh, ce ne sont pas de mauvais soldats. Ce sont au contraire de braves types, de bons pères de famille. Mais ils sont tristes. Ils sont issus des régions envahies et n'ont plus de nouvelles des leurs depuis la mobilisation. C'est dur. Moralement, je me demande comment ils font. Au moins ici, les Boches nous fichent la paix. On est au repos. Enfin, on l'était. Car ce qui se passe à quelques centaines de mètres de mes lignes ne me dit rien qui vaille. Ils s'activent. On les entend remuer la terre, s'apostropher. On entend distinctement le bruit de leurs pelles et de leurs pioches. Du haut des observatoires camouflés, on repère une agitation qui n'est pas naturelle. Trop d'hommes, trop de caisses, trop de convois, trop de va-et-vient. Non, cela n'annonce rien de bon. Général R, Je suis heureux que vous ayez pu venir jusqu'à nos positions du bois des corps. Je vous félicite, Drian. Vous êtes plutôt bien retranché. Oui. Nos premières lignes sont solides, mais elles ne pourront tenir longtemps en cas de choc. D'autant plus que le secteur forme un saillant. Si les Allemands décident de nous prendre en tenaille, nous ne pourrons guère résister avec les moyens dont nous disposons. Il serait peut-être opportun de réclamer des renforts. Bah, si vous croyez que je n'en ai pas réclamé au général Joffre, non seulement je n'ai rien obtenu, mais depuis 6 mois que je commande ici, le grand quartier général n'a eu de cesse de me retirer des hommes et du matériel. Comment cela ? Depuis 6 mois, on déboulonne tous les canons des forteresses et on me les retire. Je suis à la tête d'une région qui n'a plus de fortifiés que le nom. Mais pourquoi fait-on cela, bon sang ? La guerre moderne n'est plus une guerre de forteresses. Joffre a besoin de canons et de munitions pour ses armées. Alors comme l'industrie ne produit pas assez, il désarme les forts et il puise dans les stocks d'obus. Résultat, nous sommes complètement mis à nu. Les Français croient que Verdun est le point le plus solide du front. En réalité, ce n'est plus le cas. Ah, nous sommes dans de beaux draps. Alors que Dieu nous vienne en aide. Général Joffre, je suis désolé de revenir vers vous à propos de cette question de Verdun, mais... Quoi encore ? Le gouvernement s'inquiète et je dois dire qu'il possède quelques renseignements alarmants. Ne me dites pas que c'est encore ce Drian qui crie au loup. Ah non, pas du tout, général. Ce sont des renseignements du deuxième bureau. Ils viennent de nos espions en France occupée. De nombreux trains roulent de nuit, tout feu éteint, et amènent des troupes et quantité de canons dans le secteur de la Meuse. Ah oui. L'information est confirmée par nos agents diplomatiques au Danemark, en Suisse et aux Pays-Bas. L'ennemi prépare quelque chose du côté de Verdun. Du côté de Verdun. Ben voyons. Et ce n'est pas tout. Selon le deuxième bureau, les Allemands ont expulsé une grande partie de la population française au nord de Verdun. Signe qu'ils ne veulent pas avoir de témoins de ce qu'ils préparent. Je vous prie de croire que le gouvernement est fort Ces préoccupé. Ces ministres ne sont que des idiots. Des idiots ? Vous ne voyez donc pas qu'il s'agit d'une manœuvre d'intoxication ? Une intoxication ? Réfléchissez 2 minutes. Que peuvent gagner les Allemands en attaquant à près de 300 kilomètres de Paris ? Cela n'a aucun sens. Il ferait mieux de prendre l'offensive en Champagne, où ils ne sont qu'à 120 kilomètres de la capitale. Non, mais tout de même, mon général, les informations... C'est un piège. Ils veulent que j'envoie des renforts ici pendant qu'ils attaqueront ailleurs. Je ne tomberai pas dedans. Ah mais, il n'y a donc que moi ici pour garder la tête sur les épaules. Et vous savez quoi ? Je ne demande qu'une chose. Si les Allemands m'attaquent, que ce soit sur Verdun. Général R, vous m'avez fait demander ? Les nouvelles ne sont pas bonnes, Drian. Sur vos conseils, j'ai fait procéder à des reconnaissances aériennes au-dessus des lignes allemandes. Et alors ? Que disent les photos ? Cela n'a pas été facile. Avec ce temps plombé, il a fallu attendre que le ciel bleu revienne pour lancer une escadrille. Et alors, ces photos ? Dès que les avions se sont mis à survoler les positions ennemies, ils ont été pris en chasse par des Fokker. On leur a tiré dessus, ils ont été obligés de rebrousser chemin. Oui, mais les photos ? À mon avis... Ces avions allemands sont concentrés ici pour nous interdire de repérer ce qu'ils sont en train de faire. Général, arrêtez. Avez-vous des photos, oui ou non ? Bien sûr que j'en ai. Mais pas beaucoup. 14 clichés. Tenez, les voici. Regardez ces taches blanches. Ce sont des tas de terre fraîchement remuées. Il y en a partout. On peut en déduire que l'ennemi a creusé des abris sur toute la ligne. Et là, ces petits carrés... Ce sont des plateformes bétonnées, certainement réservées à l'installation d'un canon. Mais il y en a des centaines ? Oui. Cela paraît inconcevable, je sais. Mais j'ai bien peur qu'il faille s'attendre à connaître l'enfer. Je vous en conjure, écrivez à Joffre. Moi, de mon côté, je vais prévenir mes amis parlementaires. S'ils peuvent secouer le gouvernement, c'est notre seule chance. Messieurs, notre collègue Émile Drian craint fort que les Allemands ne frappent un grand coup sur Verdun dans les jours ou les semaines à venir. Or, nos défenses sont, paraît-il, très insuffisantes. L'ennui, c'est que nous n'avons pas pu nous-mêmes nous en rendre compte. Sur place, le haut commandement a refusé expressément que notre mission d'inspection accède à la zone du front. Messieurs, je devais moi-même rejoindre le lieutenant-colonel Drian ces jours derniers pour inspecter le front de Verdun. Mais le grand quartier général a refusé de me délivrer un laissez-passer. C'est incroyable! Mais que fait le gouvernement? Nous sommes la représentation nationale. On n'a pas le droit de se comporter en dictateur. Messieurs, messieurs, s'il vous plaît. Tout comme vous, je suis scandalisé. C'est un déni de démocratie. Nous avons protesté auprès du gouvernement. Joffre devra en tenir compte. Je le répète, ça n'a pas de sens. Pourquoi les Allemands voudraient nous attaquer à Verdun ? Mon général, j'attire votre attention sur le message du président du Conseil. Monsieur Aristide Briand lui-même est très préoccupé de la situation de Verdun. Bon sang de bonsoir. C'est peut-être vrai après tout qu'ils vont attaquer. Ah. Mais c'est un piège, et je n'y tomberai pas. Un piège ? Oui. S'ils attaquent, ils feront croire que ce sera une grosse affaire, histoire que j'envoie mes réserves là-bas. Et alors, paf, ils attaqueront ailleurs avec encore plus de force. C'est un piège, je vous dis. Peut-être je n'ai pas votre science, mais je vous appelle à la prudence. Aristide Briand m'a confié que si Verdun tombait, ce serait une catastrophe parlementaire. Une catastrophe parlementaire. Oh, ces messieurs du gouvernement n'ont pas peur de la bataille, mais seulement d'être renversés. À croire que les députés leur font plus peur que l'Allemagne. Prenez garde. Les députés ne vous sont pas bien disposés. Il est probable qu'une crise ministérielle entraînerait une crise de commandement. Et si le gouvernement tombe, peut-être tomberez-vous avec lui. Oh, alors, partez à Paris et dites au gouvernement ce qu'il veut entendre. Que nous avons pris toutes les mesures nécessaires. Que Verdun ne tombera pas. Alors il nous lâchera les bombes Molière. Décidément, ces politiques n'ont pas de nerfs. Vivement que les Boches nous attaquent, cela les fera taire une bonne fois pour toutes. C'est moi le chef ici, nom de Dieu. Longtemps, le grand quartier général ne veut rien savoir de l'attaque qui se trame à Verdun. Mais le 12 février 1916, il n'est plus possible de douter. Ce jour-là, les services radio-goniométriques font une découverte terrifiante. En effet, grâce à un récepteur radio particulier, il est possible de repérer les émetteurs fixes ou mobiles de l'autre côté du front. Chaque jour, le deuxième bureau procède donc au relevé des données qui correspondent à la position des unités allemandes. Or, les 11 et 12 février, cette densité s'accroît dans des proportions tellement anormales que l'on croit à une erreur. Vérification faite, il faut convenir que face aux tranchées françaises, on relève des compagnies allemandes en pagaille, des bataillons, des régiments, des divisions. C'est toute une armée en ordre de marche, des dizaines de milliers d'hommes prêts à surgir. Les Allemands ont fixé le jour de l'attaque au 12 février à l'aube. Ce jour-là, le prince impérial, qui commande l'armée chargée de prendre Verdun, s'adresse à ses troupes. Soldats, voici venue la grande bataille qui va décider du sort de la guerre. C'est le dernier effort que je vous demande. Votre sang sera épargné grâce à nos canons. Mais celui de l'ennemi va couler à flot continu. Dans quelques jours, nous aurons pris Verdun. Et les Français assommés réclameront la paix. Oui, mes amis, mes braves, dans quelques semaines peut-être, vous serez de retour dans vos foyers, heureux et victorieux. C'est à Verdun, cœur de la France, que vous cueillerez le fruit de vos peines. C'est à Verdun que... Ah, scheiße! Il pleut! Il faut remettre l'attaque. Les canons ne peuvent pas tirer à l'aveuglette. Il faut que le beau temps revienne pour que les tirs soient précis et efficaces. Quelle déveine! Pourvu qu'il cesse vite de pleuvoir... Quelle veine! Pourvu qu'il pleuve le plus longtemps possible. Cette pluie, c'est de l'or pour nous. Nous activons les travaux, nous renforçons la seconde ligne, parce que la première succombera à coup sûr. Nous creusons même une ligne intermédiaire qui doit surprendre l'ennemi, parce qu'il n'en connaîtra pas l'existence. J'encourage mes petits chasseurs. C'est pitié de les voir remuer la terre sous cette pluie glacée de février. Nous sommes gelés. et pourtant il le faut. Je leur dis que leur vie en dépend, et ils le savent. Ils le savent bien mieux que quiconque. On ne la fait pas à ceux qui sont en première ligne. Oui, ils savent ce qui les attend. Et moi aussi, je sais ce qui m'attend. Général R, si nous leur coupions l'herbe sous les pieds, que voulez-vous dire ? Nous pourrions les bombarder préventivement. Nous leur causerions de grosses pertes et ce serait préférable, plutôt que d'attendre que le beau temps revienne et qu'il nous assaisonne. J'y ai pensé, Drian. Mais en faisant donner l'artillerie, je dévoilerai l'emplacement de nos batteries à l'ennemi. Et les canons allemands auront vite fait de les repérer et de les museler une par une. Je me ferai casser mes 75 en quelques heures. Je n'ai pas beaucoup de canons et très peu d'obus. À 1 contre 10, je ne suis pas sûr que nous puissions ouvrir le bal. Il n'y a donc rien d'autre à faire qu'à attendre notre écrasement ? Joffre m'a assuré de son soutien. Les renforts arrivent, ils seront ici le 25 février. D'ici là, il faudra tenir avec ce que nous avons. Nous sommes donc des sacrifiés. J'en ai bien peur, Drian. Notre seul espoir est que le mauvais temps dure le plus longtemps possible. Bon sang, général. Regardez. Regardez. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le soleil. Il est en train de percer les nuages. Et nous sommes le 20 février. 20 février. S'ils attaquent demain, il nous faudra attendre 4 jours avant que les renforts ne nous parviennent. 4 jours. C'est bien long, trop long. Mais peut-être la pluie a-t-elle déjoué leur plan. Peut-être que finalement, ils n'attaqueront pas. Peut-être que... Oui. Mais c'est un soldat allemand. Eh bien, soldat, qui êtes-vous? Je m'appelle Müller. Je suis alsacien. Je me suis porté volontaire pour une mission de reconnaissance et j'en ai profité pour me rendre. Je veux pas tuer des Français. Ni me faire tuer par eux. Quand donc votre attaque est-elle prévue? Demain matin. À 7 heures précise. Je suis désolé, mais ça va barder pour vous. Combien de canons avez-vous? Je sais pas, au juste. Des centaines. J'en ai jamais vu autant réunis dans si peu d'espace. Je vous le garantis. Demain, ce sera un feu d'artifice, comme personne n'en a jamais connu. Allez, mes braves, conduisez cet homme à l'arrière. Lui, au moins, il va sauver sa peau. Je reste seul dans mon poste de commandement et je me mets à genoux. C'est pour demain. Demain... Je vais mourir. Mes mains se joignent et je récite le Notre Père en fermant les yeux. Et je souris. Malgré moi, je pense à ces prières profanes qui faisaient rire toute l'armée en 1914. Le Notre Joffre qui êtes au feu. Que votre victoire arrive. Que votre volonté soit faite sur la terre comme dans les airs. Donnez-leur aujourd'hui votre pain quotidien. Redonnez-nous l'offensive comme vous l'avez donnée à ceux qui les ont enfoncés. Ne nous laissez pas succomber à la teutonisation, mais délivrez-nous des boches. Ah ouais, moi aussi j'y ai ri à cette prière. Aujourd'hui, elle me fait grincer des dents. Un double blasphème. Contre Dieu d'abord, contre la patrie ensuite. Notre Joffre, il nous a laissé tomber. Il ne nous a pas cru. Il nous a même passé un savon. Et maintenant, nous allons mourir en attendant que les renforts arrivent. Quelle imprévoyance! Quelle incompétence! Ma chère épouse, je ne t'écris que quelques lignes hâtives, car je dois me montrer dans les tranchées. Pour avoir confiance, les hommes ont besoin de voir leur chef à leur côté. C'est pour demain. Ma seule satisfaction est de constater que je ne me suis pas trompé en annonçant, il y a plus de 2 mois, ce qui nous arrive aujourd'hui, à la grâce de Dieu. J'ai toujours eu une telle chance que j'y crois encore pour cette fois. L'assaut des Boches doit avoir lieu au lever du jour, il est certain. Notre bois aura ses premières tranchées prises dès les premières minutes, car ils emploieront flammes et gaz. Nous le savons par un prisonnier de ce matin. Ma chère épouse, j'aurais tant voulu te serrer dans mes bras une dernière fois. Je voudrais te dire tant de choses, mais je dois m'arrêter. L'estafette part à l'instant pour l'arrière. Je dois lui remettre mon courrier, sinon il faudra attendre demain. Et demain, je ne serai peut-être plus de ce monde. Je t'embrasse. Je penserai à toi jusqu'à mon dernier souffle. Drian remet sa lettre. Il est étonnamment calme, la conscience apaisée. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a remué le ciel et la terre, averti le Parlement et provoqué la colère de Joffre. Et maintenant qu'il ne peut plus rien faire, il accepte le destin qui est le sien, ôte son alliance et la remet à son secrétaire en lui disant « Si je suis tué, vous irez la porter à ma femme. » Le secrétaire acquiesce sans mot dire, en pensant que lui aussi risque de ne pas revenir. Mais il ne dit pas un mot, et les deux hommes restent longtemps silencieux, face à face. C'est leur dernier soir, leur dernière nuit. Les secondes s'égrènent. Il est 7h du matin ce 21 février 1916. Le lieutenant-colonel Drian n'a pas beaucoup dormi. Il sort de son poste de commandement. Quel temps magnifique! Un ciel bleu sans nuages et un froid sec. Le soleil fait briller le gel qui entoure les branches. Le bois des corps est étincelant, féerique. Je lève la tête, j'écoute le souffle du vent. 7h. Les deux bataillons de chasseurs scrutent l'horizon et guettent le moindre bruit. Rien. Le déserteur alsacien s'est peut-être trompé. Peut-être que... Une première détonation déchire le silence. Puis une autre. Et encore une autre. Et il n'est bientôt plus possible de discerner les tirs et les explosions. Il n'y a plus que l'enfer, le bruit affolant, ce roulement de tambour continu qui brise les tympans et la terre qui tremble. 1200 pièces de tout calibre crachent la mort sur un front d'à peine une dizaine de kilomètres. Plus d'un million d'obus s'abattent sur les positions françaises. À lui seul, le bois des corps en reçoit 80 000. Ce n'est plus un bois. Je vois voler les arbres comme des fétus de paille. Ils sont déchiquetés, volatilisés. Je ne reconnais plus le paysage auquel j'étais habitué. Il n'y a plus que de la terre retournée et des troncs épars. Ici, il y avait des tranchées et il n'y a plus que des trous d'obus. Ici, il y avait des hommes et il n'y a plus que des cadavres. L'orage d'acier s'éternise 9 heures durant. À 16 heures, le marmitage prend fin et les Allemands donnent l'assaut. Ils sont tellement persuadés qu'il n'y a plus un seul Français en vie qu'ils avancent tranquillement, l'arme à la bretelle. À 16 heures, l'ouragan s'est tu subitement. Nous étions tous devenus sourds et ce silence bourdonnait à nos oreilles. Alors, nous avons su qu'ils allaient venir. Aux armes, debout les morts. Nous étions 1300 au bois des corps ce matin du 21 février. Nous ne sommes même plus 400. Les trois quarts de mes petits gars sont morts. Qu'importe, nous vendrons chèrement notre peau. Aux armes! Ils arrivent! Sortez des abris! Installez les mitrailleuses! Feu à volonté! Feu! Ce n'est pas possible. Je vois nos vaillants soldats allemands refluer. Il reste donc des hommes encore debout malgré la mort que nous avons fait pleuvoir. Ce n'est pas possible. Deux divisions tenues en échec par les débris d'un bataillon. Je ne peux pas y croire. Ils n'ont plus de tranchées, plus d'ordre, plus de chef, plus de munitions, pas de renfort ni de ravitaillement. Et pourtant, ils tiennent. Ils se battent avec l'énergie du désespoir, jusqu'à l'épuisement. Et quand ils n'ont plus de cartouches, ils luttent à coups de baïonnette, à coups de crosse, à coups de pelle. Ils tombent, mais ils ne se rendent pas. Drian leur avait promis de les emmener jusqu'à la victoire, de les faire défiler sous l'Arc de Triomphe et sur les Champs-Élysées, et il les conduit à la mort. Nous les avons repoussés! Ils reculent! Ils lâchent pied! Ce 21 février au soir, nous n'avons presque rien cédé de nos lignes! Tout au plus, la partie nord du bois des corps! C'est un prodige! Hélas, ils reviennent. Le 22 février, après une nuit sans sommeil, le bombardement reprend. À midi, les canons se taisent et l'heure du combat sonne à nouveau pour la poignée de survivants. « Voilà les Boches !» crient les sentinelles avant d'être brûlées vives par les lance-flammes de l'ennemi. Cette fois-ci, pas de salut possible. Il faut se replier ou mourir. « Je n'ai plus qu'une centaine d'hommes sous mes ordres. Il y a 10 000 Allemands devant moi. » La lutte est impossible. Je donne l'ordre de reculer sur la ligne intermédiaire. En arrière, en arrière. Je saute de trou d'obus en trou d'obus. Les balles volent autour de moi. Ils m'ont vu. Je suis une cible. Le lieutenant-colonel Drian est tombé pour ne plus se relever, le crâne transpercé par une balle. Il faudra attendre 1919 pour que l'on retrouve son corps, enterré par les Allemands à l'endroit où il est tombé. Sa veuve aurait pu demander son exhumation et son retour dans le caveau familial, mais elle a décidé de le laisser ici, dans ce bois des corps, au milieu de ces hommes qui sont tombés avec lui. Le sang sèche vite en entrant dans l'histoire. La vie a depuis longtemps repris le dessus. Les arbres ont repoussé et effacé la désolation. Le soleil a rejeté les ombres. Dans ce bois des corps, on y croise aujourd'hui des touristes ou des pèlerins. Français et Allemands s'y promènent gravement. Et ils se saluent. Ô mort, c'est peut-être cela ta victoire. Cela fait un siècle que je suis mort. Un siècle. C'est beaucoup et c'est si peu. Je sais que je suis condamné à l'oubli. Parce que vous êtes en paix, vous n'avez plus à vous souvenir de moi, le nationaliste intransigeant. Je ne suis plus qu'un nom sur une pierre. Je ne suis plus que pour avoir péri. Un jour, vous m'aurez oublié. Tant mieux, peut-être. Mais vous, promeneur du bois des corps, qui que vous soyez, si vous pouviez vous arrêter un instant devant ce roc qui forme ma pierre tombale, et si vous pouviez me dire cette prière, « Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie. Entre les plus beaux noms, leur nom est le plus beau. Toute gloire près d'eux passe et tombe éphémère. Et comme ferait une mère, la voix d'un peuple entier les berce en leur tombeau. » Le sacrifié de Verdun de Jean-Yves Le Naour avec Jean-Louis Couloc, Émile Drian, Général Joffre, Gilles David de la Comédie Française, Colonel Herbillon, Gilles Privat, Président Pédoya, Éric Aymon, Général R, François Kergoulet, le Kronprinz, Vincent Nemeth, le soldat déserteur, Léo Reynaud, Bruitage, Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré, Arnaud Chapat et Alexandre Chenet, assistante à la réalisation, Lee Torquia et Alice Cachaner, réalisation, Baptiste Guiton. Dans quelques minutes, on retrouve Jean-Yves Le Naour pour parler du lieutenant-colonel Drian et de la bataille de Verdun. Autant on emporte l'histoire jusqu'à 22h sur France Inter. Qui tombe, qui coule sur ma fenêtre. Qu'as-tu vu du monde? Qu'as-tu vu de la fête cette fois? Elle défile les secondes dans ce manège de bois. Il y a des gens qui tombent et d'autres qui ont froid, je crois. Au sombre d'Émilie Loiseau sur France Inter dans Autant on emporte l'histoire, une émission réalisée par Antoine Dabrowski, assistée d'Elisa Mar, programmation musicale Djoubaka, à la technique Loïc Frapsos. Jean-Yves Naour, vous venez d'écouter avec nous la fiction dont vous êtes l'auteur, l'histoire du lieutenant-colonel Drian, une histoire tragique, poignante. Cet officier qui fait tout pour alerter le gouvernement, le haut commandement de l'imminence d'une offensive ennemie, qu'il pressent d'une dimension totalement inédite, hein, il le devine, et il appelle du renfort en vain, et donc la veille de l'attaque, il sait que le lendemain il va mourir, et ses hommes aussi, c'est pour demain, ils savent ce qui les attend, et pourtant, ils vont se battre malgré tout, avec un courage qui force le respect. C'est un sacrifice, mais qu'est-ce qui anime ces hommes? C'est le sens du devoir? C'est le fatalisme? Le patriotisme? C'est la question que vous avez posée au début, mais pourquoi ont-ils tenu? Et cette question, on ne cesse de se la poser depuis un siècle. Et les historiens se la posent et on n'a pas de réponse unique. C'est vrai qu'à Verdun, quand les Allemands attaquent, il n'y a plus de chef, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de ravitaillement, il n'y a plus de renfort, il n'y a plus de munitions. Et pourtant, ils vont se battre. Ils vont se battre jusqu'à la mort, effectivement. Donc il y a quelque chose là qui, évidemment, vous avez cité le devoir, vous avez le patriotisme, aussi la camaraderie. Hein. Je peux pas abandonner mes copains, je peux pas me débiner comme ça en courant à l'arrière. Les Allemands attaquent, nous sommes là dans la terre. Ce sont des paysans, hein, pour la plupart. De bons pépères, comme Drian les appelle. Et donc c'est leur terre. C'est aussi la terre dans laquelle les copains qui sont morts précédemment sont enterrés. On doit défendre le pays et cette terre. Hein. Il y a cette dimension patriotique qui est très forte. Et on retrouve pas cette dimension, évidemment, dans les assauts. Les assauts, on n'est pas très heureux de les faire. Mais là, à Verdun, il y a une différence d'acharnement, effectivement. Parce que d'un côté, il y a le Français qui se bat sur son territoire, avec l'idée qu'il est agressé et qu'il doit se défendre. Et de l'autre côté, il y a l'Allemand qui attaque. Alors bien sûr, il y a la propagande allemande pour dire « vous défendez votre pays, mais en France, etc. » Mais il y a aussi, et on le voit bien dans cette fiction, le discours du Kronprinz qui leur dit « c'est le dernier effort ». Vous allez prendre Verdun, vous avez quelques jours de bataille, et une fois que vous aurez pris Verdun, les Français seront tellement catastrophés d'avoir perdu le point le plus fort de leur front, ce qui n'est plus le cas en 1916, mais ce que les Français croient, c'est une région fortifiée. On n'imagine pas si cette région fortifiée tombe, ça veut dire qu'on n'est pas capable de gagner la guerre, puisqu'on a perdu le point le plus fort de notre front. Il y aura une crise politique, il y aura une crise militaire, ce sera un séisme véritablement. Eh bien, donc il leur dit, vous avez la fin de la guerre à portée de main. Et c'est aussi ce qui explique l'acharnement aussi des soldats allemands dans un premier temps. Alors, ce qui est frappant aussi dans cette histoire, l'histoire donc du lieutenant-colonel Drian, pour ne pas dire révoltant, c'est la surdité du haut commandement, notamment le grand chef, le général Joffre, face justement aux alarmes que tente de lancer Drian. Il n'y a pas assez de renforts, il faut renforcer ses lignes, on va se faire attaquer, on va se faire manger enfin par les Allemands. Comment expliquer cette surdité la fois du général Joffre et celle du gouvernement ? On est toujours évidemment plus malin après les événements, oui, quand les événements ont eu lieu. Il faut avoir à l'esprit, pour défendre Joffre, hein, juste quelques minutes, et vous après... Vous le défendez pas beaucoup dans la fiction, non, quand rarement. Même. Et il faut avoir à l'esprit qu'effectivement, Joffre, il est assailli un petit peu de demandes de renforts sur différents points du front. Différents généraux lui demandent « attention ici, attention là ». Et lui, il a pas tant d'hommes que cela, il a pas tant de canons. Et surtout, ses canons et ses hommes, il est en train de les économiser pour mener la grande bataille de la Somme avec les Britanniques, qu'il pense être la bataille décisive, qui en finira avec la guerre, on va percer, on va écraser les Allemands, et donc il n'a pas du tout envie d'être... Une bataille qui sera aussi une grande boucherie, hein, qui encore plus meurtrière que la bataille de Verdun. Encore plus meurtrière, mais pas pour les Français, dans l'ensemble, oui, mais pas pour les Français. Pour les Britanniques et les Allemands. Donc, une bataille qui aura lieu entre juillet et novembre, mais il est en train de la préparer, et donc il ne veut pas être distrait, et il n'y croit pas, et comme on le dit dans cette fiction, au départ il pense que c'est de l'intoxication. C'est-à-dire que les Allemands font semblant d'attaquer quelque part, mais ils attaqueront ailleurs. Et quand l'offensive a réellement lieu, quand on voit qu'elle va avoir lieu, et puis quand elle a réellement lieu, Joffre continue à croire, même dans les premiers jours de la bataille, que c'est un piège, qu'on cherche à attirer ces réserves et ces renforts-là, tandis que les Allemands vont attaquer encore plus violemment ailleurs. Donc il ne veut pas tomber dans ce piège. Et c'est pour ça que les renforts sont dirigés sur Verdun très tardivement, et que Verdun a failli tomber. On entend aussi dans cette fiction une certaine lâcheté de la part du gouvernement, une certaine apathie. Quand on entend parler de catastrophe parlementaire, je comprends que ça fasse rire Joffre. On a l'impression que les politiques n'osent pas dire non ou dire quelque chose d'autre à Joffre. Oui, il y a deux choses. Le gouvernement, il est à la fois dans une situation de dépendance vis-à-vis de Joffre, il enrage, hein, il le soutient un peu comme la corde le pendu, il enrage effectivement de tous ses empiétements sur la politique, de se comporter comme il se comporte, et en même temps, le gouvernement ne veut pas de crise de commandement, il ne veut pas virer Joffre, qui a acquis une certaine aura auprès même des alliés. Hein, il se comporte un petit peu comme le généralissime de toutes les armées, et donc en état de supériorité vis-à-vis du commandement britannique. Et donc si on le remplace, et par qui? Par qui le remplacer? Parce que Joffre a fait un petit peu table rase, hein, et il a fait en sorte qu'il n'y ait pas de remplaçant possible. C'est justement avec la bataille de Verdun qu'il y aura un remplaçant possible, Pétain, et puis ensuite Nivelle, parce que la bataille de Verdun, on dit trop souvent que c'est Pétain, le vainqueur de Verdun, mais Pétain a commandé 2 mois et quelques jours seulement à la tête de l'armée de Verdun, et Nivelle a commandé 7 mois et 15 jours. Et c'est Nivelle qui, à la fin de l'année 1916, est considéré comme le vainqueur, et c'est lui qu'on va prendre pour remplacer Joffre. Donc d'un côté, effectivement, on a un gouvernement qui est un petit peu à plat ventre, qui a peur de Joffre, et puis de l'autre côté, on a aussi un gouvernement qui a peur des parlementaires, hein, et des parlementaires qui remuent de plus en plus, qui voudraient justement qu'on se débarrasse de Joffre, et cette catastrophe parlementaire dont parle Briand, effectivement, c'est que le gouvernement serait renversé. Et si le gouvernement est renversé, peut-être que Joffre aussi sera renversé. C'est pour ça que Joffre finit par mettre de l'eau dans son vin en disant « Verdun ne tombera pas, je vais envoyer des renforts, rassurez-vous ». Jean-Yves Le Naour, dans votre livre que vous avez consacré à 1916, « L'Enfer » paru chez Perrin, vous écrivez que seule la pluie a permis de sauver Verdun. C'est terrible, que voulez-vous dire exactement? Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit rarement. Évidemment, il y a le sacrifice des hommes, mais les Allemands devaient attaquer le 12 février. Et le 12 février, les renforts n'étaient pas envoyés encore. Joffre ne s'était pas encore résigné à envoyer des renforts, ce qui fait que en quelques jours, Verdun serait tombé. Mais la pluie, hein, cette pluie gelée, etc., a fait qu'on a repoussé l'attaque du 12 février jusqu'au 21, et ce temps a été mis à profit, d'une part, pour renforcer les défenses, et d'autre part, à amener des renforts qui vont bloquer les Allemands à partir du 25-26 février. La mémoire du lieutenant-colonel Driant est-elle honorée encore aujourd'hui? Il y a ce monument dont il parle au début de la fiction, qui existe toujours? Ce monument existe toujours, effectivement, l'endroit où il est tombé, mais il a été exhumé en 1922 et on lui a construit un autre monument à proximité, où tous les 21 février, le jour de l'attaque allemande, il y a une petite cérémonie en son hommage. Mais pour le grand public, c'est aujourd'hui une personne oubliée. Bon, eh bien, on espère que on l'aura un petit peu sorti de l'anonymat, justement. Merci beaucoup, Jean-Yves Le Naour. Vous êtes l'auteur d'une série de livres donc sur la Première Guerre mondiale, 1914, 1915, 1916 et 1917. 1918 sera publié en octobre. C'est édité chez Perrin, également dans la collection de poche. Et je signale une BD aussi dont vous avez écrit le scénario. C'est quelque chose que vous aimez bien faire, je crois. Ça s'appelle tout simplement Verdun. Elle est dessinée par Marco et Olgado et publiée chez Grand Angle. Autant n'importe l'histoire est terminée pour aujourd'hui. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr où je vous invite à découvrir le nouveau dessin de Nina Lueck. Vous pourrez aussi écouter les émissions que vous avez peut-être manquées. 1861, le complot de Baltimore, quand Abraham Lincoln, président des États-Unis, partisan de l'abolition de l'esclavage, était menacé de mort par les sudistes. Ou encore Moscou 1917, une histoire d'amour très romanesque en pleine révolution d'octobre. Et bien sûr, j'attends avec impatience vos commentaires sur le site de France Inter et sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, je vous raconterai l'histoire de Rirette Maître-Jean, une anarchiste du début du XXe siècle, dont la vie a croisé notamment celle des jeunes libertaires de la bande à Bonneau, avant que ceux-ci ne glissent dans le banditisme et le crime. Un texte écrit spécialement pour l'émission par l'écrivain Patrick Péchereau.